Sisi devint effroyablement pâle. Sa lame tremblait par le bout, comme une cravache. Sa tête se renversait, ses bras s'écartèrent, il tomba sur le dos, évanoui. Joseph le releva, et, tout en lui poussant sous les narines un flacon, il le secouait fortement. Le vicomte rouvrit les yeux, puis tout à coup, bondit comme un furieux sur son épée. Frédéric avait gardé la sienne, et il attendait, l'œil fixe, la main haute. « Arrêtez, arrêtez !» cria une voix qui venait de la route, en même temps que le bruit d'un cheval au galop, et la capote d'un cabriolet cassait les branches. Un homme, penché en dehors, agitait un mouchoir et criait toujours « Arrêtez, arrêtez !» Monsieur de Comin, croyant à une intervention de la police, leva sa canne. « Finissez donc, le vicomte saigne !»« Moi ?» dit Sisi. En effet, il s'était dans sa chute écorché le pouce de la main gauche. « Mais c'est en tombant !» ajouta le citoyen. Le baron feignit de ne pas entendre. Arnoux avait sauté du cabriolet. « J'arrive trop tard !»« Non, Dieu soit loué !» Il tenait Frédéric à plein bras, le palpait, lui couvrait le visage de baisers. « Je sais le motif. Vous avez voulu défendre votre vieille amie. C'est bien cela, c'est bien. Jamais je ne l'oublierai. Comme vous êtes bon. Ah, cher enfant !» Il le contemplait et versait des larmes, tout en ricanant de bonheur. Le baron se tourna vers Joseph. « Je crois que nous sommes de trop, dans cette petite fête de famille. C'est fini, n'est-ce pas, messieurs ?»« Vicomte, mettez votre bras en écharpe. Tenez, voilà mon foulard. » Puis, avec un geste impérieux, « Allons, pas de rancune, cela se doit. » Les deux combattants se serrèrent à la main mollement. Le vicomte, M. de Comin et Joseph disparurent d'un côté, et Frédéric s'en alla de l'autre avec ses amis.